Mes collègues impliqués quand je lève le mic en live ensemble, c'est le même combat qu'on livre. Le pistolet gras, ici t'as déjà le sourire aux lèvres. T'as bien reconnu le style de l'élève qui a fait le maître prendre ses livres et donner la relève. Surpris comme à quoi s'élève, je squatte sa libre. Pourquoi je fais la caille alors que je manie le mic et pas de calibre? Je veux pas être le boss, ceux qui veulent tous la place du calife. Moi je finirai le bac à néant, résoir à coup de calif. Non, j'ai pas de calif spécial, mais bon, je fais ce que je kiffe le mic. Phénoménal, toucher des skype, font déjà la vibe. Qui fait mal et qui fait mieux? Celui qui a sa place ou le mec qui veut lui prendre le truc, c'est attendre ou apprendre, savoir éviter le piège ou le tendre. Avoir du talent avant, même sans vendre. Le pire c'est que je m'en vante, je serai toujours number one dans les délires que je m'invente. Bah qu'il est fou, tu connais pas, bah c'est comme avant. Enfin je suis seul, mais je représente encore comme à 20. Comment ça, j'ai moins d'impact qu'à l'époque. Moi si je continue le rap, c'est juste pour faire plaisir aux potes. Et je reste vrai dans mon hip-hop, je nique ta mère et pas moi de fuck. J'ai une vie amère, foot pop, c'est je la fume quand même comme Bob. C'est ce que je suis, un MC, comme il en reste peu. Mes initiales, MC, mon flow induit le respect. Souvent je suis riche, mais pour mon style, plus la tête. Je suis plus du genre à pisser sur le trône que dessus, c'est l'altesse. Un de compte depuis mes premiers textes en cours jusqu'à mes textes en cours. T'as du mic bébé, je suis allé les filles, tu blesses encore. Je suis pas allé d'où tu reviens, je m'en bats les reins. Toi, viens dans mon 9-1, ça tombe bien, ma team a faim, quoi. À ce qui paraît, j'ai pas le gars pour le clash. Pourtant, j'aime baffer les balles, je suis pas sage. Merci au H, Inch'Allah, demain je pèse. En attendant, je pose, je proteste. Ça bouge, c'est d'y il faut que je m'interpose. Arrête, on se connaît, ah, pourquoi tu dis que tu les baisses tous? Rack avec le mic et j'ai toujours quelques bastos. Dédicace aux assos qui gassent trop. J'garde les pieds sur terre, rose. C'est pas le cas, faut tout le cas, tu me diras. Le rap c'est un bise et moi j'ai pas du tout de gain. Putain, c'est toujours les mêmes qu'en poche le butin. Putain, si je veux ma place, il faut que j'en putain. Puté, ça fait déjà longtemps que j'aurais dû fuir et tout lâcher. Mais lâcher que c'est die, j'suis devenu accro comme un lacé. Jamais lassé, le hip hop une salope et j'suis sur le point, j'y en train de masser. La garde masse, il retient le place, me piste poésie. Si, si, j'fais sa façon, poussé par mon aussi. Mon élite, ma team, mon crew, mon gang, c'est DDM, bande de bâtards. PAK, trop de scandale. Mike, mon dos, le mic, mon domaine, en bas, une soldat. J'fais ouais, tué, tous habitués donc, tous habillés, tous adultes, non. Ben, demande au petit de faire un film thug. Ici, c'est pas les steaks, tu rap, on s'en bat les steaks. Et même si tu tues le beat, y'aura pas de rapport balistique. Donc, pas les boîtes, j'touche pas, autoprod ou piston. Pas d'amis, rien que des connexions. C'est chiant, mais on connaît le son. Le seum, j'le fume et la rage, ça pèse. En général, sur beat, ça plaît, ça pète. C'est peut-être pour ça que j'lâche pas les pètes. Et lâche un monologue illogique, un truc compréhensible seulement par ceux qui fument du bon shit ou de la bonne feu qui fait. Tout c'est comme une bronchite, c'est du 91. Style cru comme le sushi, j'rap sous shit et sous tease. Sans arrêt, sans barème, j'suis bon à ce qui paraît. J'lâcherai rap sur la bride, ma rhum. Du hip hop, j'en ferai toute ma vie, mais j'en ferai pas ma vie. T'as vu l'art du mic, on dose et mes fils, ton crazy. Jamais les gros flow.